Inutile de te lever pour m'écouter. Navré de te déranger une si belle soirée. Ta robe de mariée est faite pour épouser mes regrets. Mes regrets. Ne crains rien de moi, je ne troublerai pas ton bonheur qui commence ou finit ma joie. Vraiment, je ne savais pas qu'en un soir on pouvait, mais à quoi bon? À quoi bon? À quoi bon te dire que la vie n'est possible qu'avec toi? Tu n'écoutes pas, tu ne me vois pas, comme tu es loin déjà. Se revoir, je dis des mots stupides et vides d'espoir. Il faut pardonner, je ne me suis pas encore habitué. Habitué. Il faut dire que tout change si rapidement. Je dois fermer les yeux pour te voir comme avant. Non, non, ne parle pas. En moi, j'entends ta voix comme avant. Comme avant. Elle me dit des mots, cette voix. Comme c'est loin, tout ça. Mais parle, fais quelque chose. Ne me laisse pas m'en aller comme ça. Navré d'avoir dérangé une si belle soirée. Je suis venu avant tout pour te demander, non pas pour revenir, seulement de ne pas sourire, pas sourire.